Histoire Actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité de la recherche et de sa diffusion, actualité des publications d'histoire, une émission qui cheminera donc entre Moyen-Âge et notre période contemporaine. Pour commencer cette émission, nous recevrons deux médiévistes, Elisabeth Lucet et Julie Claustre, qui, avec deux autres universitaires, se sont lancés dans une folle aventure, inventer un webdoc, un web documentaire que vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site de France Culture aujourd'hui. Il est entièrement consacré aux différentes politiques de l'enfermement, religieuse et pénitentiaire. Le cloître et la prison, c'est son titre. Puis nous aurons le très grand honneur de recevoir, en deuxième partie de cette émission, l'historien du Moyen-Âge Karol Modzelewski, grand acteur politique de son pays, la Pologne, dont les éditions de la Maison de la Science de l'Homme ont la très bonne idée de publier les mémoires sous un titre extraordinaire. Vous l'avez entendu, nous avons fait galoper l'histoire, confession d'un cavalier usé. Enfin, pour terminer cette émission, la séquence C'était à la une avec le site de la Bibliothèque Nationale de France Retro News, le site de presse de cette bibliothèque qui recense des titres de presse et des articles de presse depuis plus de deux siècles. Aujourd'hui, la sortie du film King Kong en 1933 en France. Clairvaux, une abbaye, puis une prison. Un même espace clos depuis 900 ans. D'autres lieux comme le Mont-Saint-Michel ou Fontevraud ont connu les mêmes transformations au XIXe siècle. Mais partout, on a voulu effacer cette double histoire de l'enfermement, pas à Clairvaux. C'est pourquoi cette histoire mérite d'être contée. Comment ces transformations se sont-elles produites ? Comment est-on passé de l'enfermement choisi à l'enfermement subi ? Comment les espaces de l'enfermement ont-ils évolué depuis le Moyen-Âge ? Entrez donc avec moi dans le cloître et la prison. Un extrait de la présentation de ce web documentaire, Le cloître et la prison. Bonjour Elisabeth Lucet. Bonjour. Bonjour Julie Claustre. Bonjour. La voix de qui ? Quelle est cette voix qui va nous accompagner pendant toute la durée de ce web documentaire et qui va donc nous permettre de cheminer au milieu de l'abbaye prison de Clairvaux et d'expliquer justement ces liens entre l'enfermement religieux et l'enfermement pénitentiaire ? Ah, c'est la voix du guide dans ce web documentaire. Ce guide, c'est Jean-François Leroux, qui depuis plusieurs décennies s'occupe de valoriser le site de Clairvaux, de le faire connaître. Et donc, depuis une quarantaine d'années, il est le président de l'association Renaissance de l'abbaye de Clairvaux. Et sans son activisme, Clairvaux ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est devenu, avec un certain nombre de restaurations notamment. Avec des restaurations et avec un travail de chercheuse et de chercheur, dont vous êtes deux des membres, Elisabeth Lucet, avec deux autres chercheuses et chercheurs universitaires, vous avez conçu ce webdoc, Le cloître et la prison, qui naît que l'aboutissement d'un travail beaucoup plus long, de journées d'études, de colloques, d'ouvrages qui sont parus et dont on avait rendu compte dans la Fabrique de l'Histoire en leur temps. C'est un travail très long autour de cette notion d'enfermement, Elisabeth Lucet. Alors oui, c'est un programme de recherche que nous avons entamé il y a 10 ans, en étant d'abord 3 puis 4, et qui s'ancre autour du site de Clairvaux et qui vise à faire donc une histoire comparée des enfermements en examinant les continuités et les ruptures entre l'enfermement subi, donc la prison, et l'enfermement volontaire dans les monastères, notamment. Alors, avec ces deux complices, mais aussi une société de production, Lumento, Julie Claustre, vous avez conçu un mode très original d'approche du savoir, de transmission du savoir, puisque on connaît les colloques, on connaît les journées d'études, on connaît les livres qui en sont issus, mais un webdoc, c'est une autre écriture, c'est un autre travail pour les chercheuses que vous êtes, en l'occurrence Julie Claustre. Oui, alors d'abord une première précision, web documentaire, ce n'est absolument pas un film documentaire simplement diffusé sur le web, comme sur des plateformes bien connues de diffusion de vidéos. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit en fait plutôt d'une plateforme interactive où il y a à la fois des textes écrits qui essayent de décrypter cette histoire des enfermements qu'on a conçus, et puis il y a des documents qu'on peut visualiser, il y a des plans, il y a des images, il y a des vidéos donc, où on voit notamment Jean-François Leroux, il y a des Mais photos de Clairvaux, aussi. Et quelques vidéos effectivement avec des interviews de nous-mêmes, les quatre auteurs historiens du web documentaire. Donc voilà, c'est parfois quelque chose qui surprend un peu, c'est-à-dire que c'est, de ce point de vue, c'est une écriture assez spécifique parce que c'est pas non plus un documentaire comme on peut en voir à la télé. Parce que c'est une pérégrination, pourrait-on dire, et d'une certaine façon, Clairvaux, l'ensemble de Clairvaux, vous sert de modèle pour une réflexion justement sur ces espaces. On va d'un espace à l'autre, par exemple, on peut par exemple s'arrêter sur la clôture elle-même, sur la fermeture de ces lieux, le mur de clôture, comme le fait dans cet extrait Jean-François Leroux. Alors le mur, c'est effectivement un symbole. C'est la première chose que l'on découvre quand on arrive à Clairvaux. Il est immense, mais je pense qu'il a surtout une valeur symbolique. On peut ajouter un certain nombre d'éléments ou d'informations sur ce mur. D'abord, sa longueur. Il a presque 3 km. Et il enferme environ 30 hectares. On ne sait pas exactement à quelle date il a été construit, vraisemblablement du temps de Saint-Bernard. Le mur a été construit sur une large partie de ce que l'on voit aujourd'hui. Et de toute façon, il a été préservé, ça c'est important, par la prison. Pour les deux, moines ou détenus, ce qui est certain aussi, c'est que ce mur, il est le deuxième acte de l'enfermement à Clairvaux. Le premier, c'est la forêt. Clairvaux est fondamentalement en forêt. Cette forêt, elle a été pendant des siècles impénétrable. Aujourd'hui encore, on ne la traverse pas, même quand on est vieillard ou quand on est jeune, sans danger. Donc le mur, aujourd'hui, il est comme le couteau de Jeannot. On a retiré la lame et puis on en met une autre, retire le manche, on en met un autre. Et bien finalement, le mur d'aujourd'hui, c'est encore le mur d'origine de Clairvaux, avec des pierres qui sont sans doute des pierres qui ont été ajoutées au fil du temps. Voilà donc un extrait de ce web documentaire, Le cloître et la prison, qu'on peut trouver sur le site de France Culture, car nous avons été séduits par votre travail d'universitaire, tentant justement d'utiliser d'autres outils que les outils habituels de la communication universitaire pour faire connaître votre propre travail. Elisabeth Lucet, ce mur, donc c'est le mur qui enserre Clairvaux, mais c'est le mur qui a enserré beaucoup d'institutions monastiques et également beaucoup, la totalité des institutions pénitentiaires ou presque. Oui, ce que souligne Jean-François, c'est la continuité de certains dispositifs spatiaux entre le monastère et la prison. Et lorsque nous avons réfléchi à une nouvelle forme d'écriture de l'histoire qui soit diffusable auprès d'un public élargi, il nous a semblé que passer par le récit, par la visite guidée de Clairvaux et par la figure du guide de Jean-François, pouvait être un moyen pour l'utilisateur de se promener à travers Clairvaux et ensuite d'aller un peu plus loin dans les thématiques de l'enfermement, puisque à chacun des lieux que le visiteur peut visiter, il y a est associé une thématique, par exemple. La porte, le réfectoire, l'infirmerie, etc., etc. Voilà, mais par exemple, sur le quartier disciplinaire, on peut examiner la thématique de surveiller et punir dans un milieu clos, ou encore, pour le mur, eh bien, effectivement, qu'est-ce que c'est que enclore une des reclus, qu'il soit moine ou prisonnier. En cela, vous avez été aidé par des institutions qui sont les vôtres, des institutions universitaires qui ont trouvé que cette façon de procéder pour pouvoir toucher un plus large public que le public proprement des séminaires et des colloques était une bonne façon pour promouvoir la recherche en train de se faire, Julie Claustre. Oui, alors on a d'abord été soutenu par nos laboratoires de recherche, donc s'il m'est permis de les citer quand même. Allez-y. Alors pour, ils sont nombreux, mais allez-y. Oh non, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc pour Isabelle Landona, qui est une des quatre co-auteurs, c'est le CERIC de l'Université de Reims. Pour Fachbrett Schneider, c'est le centre Georg Simmel attaché à l'EHESS. Le quatrième larron des trois mousquetaires. Voilà, moderniste. Et pour Elisabeth Lucet et moi-même, c'est le LAMOP, le laboratoire de médiéviste occidental de médiéviste. médiévistique occidentale de Paris. Et puis, s'est ajouté à cela un laboratoire d'excellence, qui sont des structures relativement récentes, qui est le Labex Aztec, qui a accepté de mettre beaucoup de fonds, en fait, sur ce projet, parce que la diffusion sur le web a été comprise récemment par les universitaires, je crois, comme un enjeu important pour nos institutions universitaires, pour la diffusion des savoirs. Nous, on s'est saisi de ces dispositifs de financement qui sont très récents, en fait. Oui, on a vu qu'un autre web documentaire vient tout juste de paraître. C'est un web documentaire d'archéologie du bâti. C'est donc à l'Université de Toulouse qu'a été conçu ce web documentaire. On voit donc qu'il y a là un nouveau champ de popularisation, de vulgarisation, de diffusion de la recherche, Elisabeth Lucet, c'est-à-dire il y a les youtubeurs d'un côté, on sait qu'il y a beaucoup de youtubeurs d'histoire, et puis il y a les universitaires qui s'emparent de l'image, qui s'emparent des outils modernes de communication du net et du web pour pouvoir transmettre leur savoir. Oui, le but après avoir fait 3 livres, c'était de faire autre chose qu'un livre qui restait dans les bibliothèques et de s'ouvrir auprès d'un public plus large. Alors, on n'avait pas la prétention de faire des choses comme les youtubeurs, comme Nota Bene, etc. Mais l'idée, c'était de faire entendre. Vous ne vouliez pas vous déguiser devant une caméra. Non, alors, sans être déguisé, mais on aurait pu penser à des dispositifs semblables. Mais le but, c'était de montrer que la parole des historiens peut être également audible sur des formats courts, des formes brèves de texte, et qu'on avait quelque chose à apporter sur, par exemple, en proposant aux utilisateurs des documents que nous commentons, en réfléchissant à la visibilité, à la mise en scène de phénomènes qui sont parfois un peu compliqués à expliquer. Oui, ce qui est tout à fait formidable, c'est la richesse d'un documentaire, un web documentaire comme celui-ci. On circule, on choisit son itinéraire, on s'arrête sur certains documents. Il y a, vous l'avez dit, des vidéos où vous intervenez pour préciser des points de l'histoire médiévale ou de l'histoire plus contemporaine. Il y a beaucoup de documents issus de fonds photographiques très originaux, mais aussi des archives départementales ou des archives nationales. Et donc, pour les professeurs, par exemple, ça peut être un très bon moyen d'entrer dans la connaissance, soit des périodes plus contemporaines du 19e siècle, par exemple, pour la prison, ou des périodes plus anciennes du Moyen-Âge ou de l'époque moderne pour les couvents. Julie Cléostre. Oui, alors rapidement, effectivement, au total, pour écrire cette histoire à partir de Clairvaux, en fait, on a récolté quelque chose comme environ 300 documents d'archives. Et il y a aussi 31 lectures audio de documents anciens que nous avons sélectionnés. C'est Mélanie Traversier qui fait ces lectures audio. Et par ailleurs, on peut télécharger les PDF, tout simplement, des documents textuels qu'on a sélectionnés et qui sont d'une part audibles par la voix de Mélanie Traversier et donc lisibles à l'écran et puis téléchargeable pour le visiteur. Donc utilisable par des enseignants, que ce soit du secondaire ou encore des premiers cycles, des cycles universitaires, c'est cela, Elisabeth Lucet aussi? Oui, alors la thématique, le cloître et la prison, ne rentre pas forcément tout à fait dans les programmes, mais on peut penser par exemple au programme d'éducation civique qui ne s'appelle plus comme ça, parce que moi c'est des choses que j'avais fait par exemple quand j'étais dans le secondaire, j'avais emmené mes élèves à Clairvaux, ils étaient très intéressés et très perturbés aussi d'être confrontés aux situations d'enfermement qu'ont connues des détenus jusque dans les années 1970. Donc il y avait tout un travail qu'on avait fait à la fois sur la justice, la prison, et qui s'ancrait autour de Clairvaux. Et Clairvaux reçoit régulièrement des groupes scolaires. Donc le web documentaire peut être un point d'entrée pour des travaux de classe. Et la forme brève que nous avons choisie à chaque fois, on peut aussi proposer aux élèves d'investiguer le web documentaire pour aller chercher, piocher des informations et construire un savoir. Alors, donc, conseillons cela aux élèves, aux enseignants et à tous les curieux et toutes les curieuses qui voudraient comprendre justement ces politiques d'enfermement sur la très longue durée, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Ce webdoc est disponible sur le site de France Culture. On peut donc s'y précipiter d'ores et déjà pour pouvoir vous voir, vous écouter, vous entendre et comprendre le travail que vous avez pu mener terminé pendant quoi, 4 ans, c'est cela, Julie Claus? Alors, la seule écriture du web documentaire, 4 ans, sachant qu'on avait un arrière-plan, on a un arrière-plan de 10 ans sur la thématique de la comparaison, mais simplement l'écriture du web documentaire, la conception, c'est 4 ans de travail, c'est assez fou. En fait. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues présenter donc ce web documentaire qui, je le rappelle, donc, est disponible sur le site de France Culture d'ores et déjà. Et bonjour à vous, Carole Modzelewski. Bonjour. Cette question de l'enfermement, vous l'avez connue personnellement. Bien sûr. Et pas à 3 reprises. Oui, à 3 reprises, puisque vous avez été, en tant qu'universitaire, mais aussi en tant que citoyen polonais, enfermé pour des combats qui ont été les vôtres et dont on va parler dans un instant. Je vous propose d'écouter un titre dont vous parlez, une chanson dont vous parlez dans votre livre qui vient tout juste de paraître. Nous avons fait galoper l'histoire, qui paraît la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 5 octobre, aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, Confession d'un cavalier usé. Voici ce titre et vous allez nous le commenter. Właśnie się urodziłem, tu w kamienicy czynszowej. Tutaj się chodzić uczyłem, przy starej kuchni węglowej. Zapomnieć się nie udaje, bólu co wtapia się w serce, gdy odcisk dłoni zostaje na rozpalonej fajerce. Dziś, gdy pobieżny remont skończony, metraż zwiększony urząd nam przyznał, w polskim Wrocławiu niemieckie domy, to właśnie moja ojczyzna. Ale Lwów to dla mnie zagranica, śpiewny język, stare kino. Lwów to dla mnie tajemnica, niezaznana nigdy mi. Czas, co się oddala, przedwojenny elementarz, to wesoła lwowska fala, no i łyczakowski cmentarz. Alors, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs français qui ne comprennent pas le polonais ce que dit ce titre de Roman Kolakowski. De quoi parle-t-il et pourquoi le citez-vous dans votre ouvrage de mémoire, en l'occurrence? Et parce que j'y parle de Wrocław, c'est-à-dire de Breslau. C'était, quand on me demande, sens comme ça, d'où je viens, je dis que je suis, quelle est ma ville? Natal, c'est Moscou. Mmh. Et ça sonne pas bien, d'ailleurs, en Pologne. Bien sûr, se dire de Moscou, c'est difficile. Ma ville, quand même, en Pologne, c'est Wrocław, c'est Breslau. Et j'y ai passé 20 ans, à peu près. Ma femme, davantage. Mmh. Mais c'est une ville où sont arrivés plusieurs. C'était tout à fait allemand, c'était tout à fait... purifié des Allemands. Les Allemands étaient transférés en Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale. Et les Polonais qui sont venus dans Wrocław sont venus de tous les coins de la Pologne et surtout, particulièrement, disons, l'Est de la Pologne qui est devenu ukrainien. Mmh. Et c'est donc... Lviv qui était pour plusieurs... habitants de Wrocław, pour les intellectuels, les mathématiciens, les trams mouillés. Mmh. C'est-à-dire, les trams de Wrocław c'était les tramviers de Lviv qui ont fait marcher les trams de Wrocław. Ah oui, c'est cela. Parce que, en fait, c'est une histoire incroyable que vous nous racontez. C'est l'histoire de l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous êtes né avant la Seconde Guerre mondiale à Moscou. Oui. D'une mère qui était juive venant des pays baltes, c'est cela? Oui. Qui vivait de langue russe. Mais de langue russe, d'un père qui a immédiatement disparu dans les purges. Les camps et qui donc vous avez revu à deux reprises simplement. D'un père adoptif qui vous adopte très vite, qui lui va revenir très vite en Pologne puisqu'il sera ambassadeur de la Pologne dans la Russie soviétique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et donc, vous êtes le fruit de ces bouleversements territoriaux considérables qu'ont connus ces régions. Mmh. Et en particulier, ce que vous racontez, qu'une partie de la Pologne orientale a été donnée à l'Ukraine soviétique et que l'autre partie de la Pologne nouvelle, c'était une partie qui appartenait à l'Allemagne. Et on a expulsé d'un côté les Polonais de cet empire soviétique vers la Pologne et ils ont peuplé cet espace qui était auparavant un espace allemand, qui était celui de Vroslav, dont vous nous parliez à l'instant même, oui. Karol Modzelewski. Oui, mais c'est mon histoire assez particulière parce que je n'ai jamais songé à aller à Wrocław. Cette ville que j'ai beaucoup aimée, que j'ai aimée à dire la vérité, est devenue totalement la mienne pendant la Grande Solidarité, c'est-à-dire aux années 80-81. Et là où j'étais un des dirigeants de Solidarność Wrocław, un grand centre industriel, polonais, j'ai dit allemand. Et là où je suis arrivé parce que j'étais, je sais pas dire, puni ou gracié parce que on m'a pas laissé après mes premières aventures contre le régime communiste en Pologne. On m'a licencié de l'université. Et puis, après la première et la deuxième prison, il y avait une certaine libéralisation avec Gierek en Pologne, on m'a laissé travailler, faire le travail, le recherche, mais pas à Varsovie, pas à l'université, à l'Académie des sciences et pas à Varsovie, à Wrocław. Ainsi, Wrocław est devenu ma ville. Et c'était un amour. Ce qui est formidable dans ce travail de mémoire que vous avez mené pour ce livre qui est paru en 2013 en Pologne, qui paraît maintenant en France, nous avons fait galoper l'histoire, Confession d'un cavalier usé, c'est que pour reprendre l'expression de Montaigne, c'est un livre à saut et à gambade, c'est-à-dire que vous partez dans un sens, vous nous emmenez dans un autre sens, comme d'une certaine façon une conversation où la mémoire surgirait, ou un événement vous ferait penser à autre chose. Et donc, ça n'est pas totalement linéaire. On vous suit, et on vous suit dans ces rebonds de la mémoire qui vous conduisent dans d'autres endroits. Écoutez, mais vous avez parlé de la longue durée. Et donc, vous savez bien que pour un vrai historien, l'histoire n'est pas linéaire. Et justement, vous ne voulez pas la rendre linéaire, et vous nous permettez comme cela de comprendre... On pourrait dire que vous êtes dans la lignée... sans le savoir peut-être, de ces jeunes historiens qui, en France, travaillent sur l'histoire des possibles. Cette histoire des possibles, c'est de travailler sur ces futurs qui ne sont pas advenus. Revenir en arrière dans le passé pour réfléchir à d'autres possibilités qui auraient pu être prises. Ça, je n'ai jamais fait. Non. Ça, je n'ai jamais fait en tant qu'historien. J'ai essayé de le faire en tant qu'un combattant, pour ainsi dire. En tant dire. Que citoyen. Et c'est exactement cela que vous nous racontez, cette histoire des possibles. Ouais. Tous ces possibles non advenus. Par exemple, d'être marxiste dans les années 60 et de repousser tout de même le régime qui était imposé par Moscou, c'est-à-dire de se dire marxiste et d'essayer autre chose dans le marxisme que ce qui était mis en œuvre. Il n'y a rien d'exceptionnel dans cela. Je dirais que c'était assez typique. Les premiers révoltés contre le stalinisme, contre le communisme, on peut dire, c'était des anciens marxistes profondément déçus par la vérité réveillée par Khrushchev, par la vérité connue qui nous avait été cachée auparavant, surtout aux jeunes gens de l'époque stalinienne qui croyaient à ce que... Dans mon livre, je raconte longuement sur l'époque stalinienne. Il y a tout un chapitre. Ici, nous n'avons pas assez de temps, mais quand même, le jeune Jean y croyait. Parce qu'il n'entendait que ça, que la version officielle. Y compris à la maison. Parce qu'il était dangereux de raconter la vérité aux enfants. Les enfants, ça parle en dehors de la maison. Ça expose au risque, soit les parents, soit les enfants. Donc, je simplifie maintenant pour les Français. Mais lorsque la vérité a été dévoilée, c'était un choc pour 1956. Toute une génération, en 1956. C'était... Avec le début de la déstalinisation, oui, avec, et le rapport Khrushchev. Avec le rapport Khrushchev, c'était le sommet de la déstalinisation, on peut dire. Et alors, on a découvert que le régime qu'on nous a enseigné d'admirer était un régime criminel, au fond. C'était un mauvais régime. Qu'est-ce qu'on fait avec un mauvais régime? Il faut le renverser. Comment? Par la révolution. Comment? Qui fait la révolution? La classe ouvrière, bien sûr, on nous a enseigné. Seuls, non, ce sont les intellectuels, l'intelligentsia, pas les intellectuels. C'est un nom étranger qui n'est plus courant en nom russe, un terme russe. Ça veut dire les hommes qui ne font pas le travail manuel, mais un travail intellectuel, pas seulement les intellectuels, les intellos. Donc, ce sont les intellectuels qui portent la conscience révolutionnaire à la classe ouvrière. Et c'est ce que vous pensiez quand vous étiez jeune c'est étudiant? C'est ce qu'on m'a ordonné de faire, parce qu'il y avait, il y avait une espèce de comité révolutionnaire, dirigé entre autres par Pomian, par Christophe Pomian, que vous connaissez bien et vous pouvez lui le demander. Et l'historien franco-polonais, que nous connaissons bien, effectivement. Et d'aller à Gérin, à l'usine qui produisait des voitures, et de porter la conscience révolutionnaire. Ce que je faisais, vous pouvez vous imaginer, j'étais tout ravi. Et les ouvriers étaient probablement assez amusés. De vous voir descendre dans leur usine. J'étais tout jeune, j'avais même pas encore 19 ans. Et c'était juste le point culminant de notre révolution de 56. Mais justement, vous allez avoir d'autres possibles qui vont arriver. C'est-à-dire que vous allez, en même temps que votre carrière universitaire, commencer à militer avec d'autres. Et vous dites effectivement que cette conscience, cette croyance dans le pouvoir de la classe ouvrière de changer le monde, vous l'avez eu avec Jacek Kouron, avec lequel vous écrivez en 1964. Oui, c'était mon ami le plus proche, voilà. On peut dire. Et vous écrivez en 1964 une lettre ouverte au gouvernant de la Pologne de l'époque qui vous conduit dans votre premier séjour en prison qui va durer 3 ans et demi, c'est cela? Qui était lu et colporté en France, entre autres par Bernard Guetta et par d'autres mes amis, par des 68 heures. Mmh. Parce que pour eux, c'était la contestation du régime communiste faite à l'intérieur du communisme et faite de la gauche. Oui, parce que nous étions très de la gauche à l'époque. Oui, alors cela, par exemple, c'était impossible. Être de gauche, mais ne pas être du côté du pouvoir stalinien ou post-stalinien. C'est impossible, cela allait de soi. Oui, et alors justement, vous avez payé cela de 3 ans et demi de prison. Le premier verdict de prison, c'était pour la lettre ouverte. Et on était conscient qu'on irait en prison. Seulement, comme la sécurité nous a pris sur la main, nous avons cru que, d'abord, auparavant, que la prison sera après une certaine période de l'activité clandestine. Mmh. Et alors que ça va finir en prison, mais quand même que nous allons faire le commencement de la construction d'une underground clandestin avant d'aller en prison. Et pourtant, on est allé juste au début, au premier pas. Voilà, le premier pas, c'était cette lettre ouverte. Mais quand vous sortez, cet underground, il existe quand vous sortez de prison. Vous l'expliquez dans votre livre de mémoire. Il y a ces commandos dont font partie un autre historien, Adam Michnik. Et on peut se poser la question de savoir le rôle des historiens dans ces révolutions diverses que vous avez voulu mener en Pologne dans les années 60, 70 et 80. On peut penser aussi à Bronisław Geremek, que vous connaissez en France, tout le monde le connaît en France, et qui était un historien médiéviste, et qui, pendant la Grande Solidarité, était un des cerveaux les plus importants de Solidarność. Et donc, quand vous sortez de prison en 1967, si je ne me trompe pas, au milieu de 1967... J'étais en prison entre 65 et 67, entre 68 et 71, entre 81 84. Voilà. Et donc, dans cette premier séjour en prison, vous en sortez en 1967, et vous voyez que ça bouge un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui réfléchissent, justement, pour pouvoir, à partir de votre travail, de votre lettre ouverte et d'autres questions, lancer un mot d'ordre dont vous êtes à l'origine, Karol Modzelewski. Ce mot d'ordre, c'est « indépendance sans censure ». Et ça nous ouvre un autre chapitre de votre histoire des possibles. Comment être polonais dans un groupe de pays qui voulait d'une certaine façon nier l'identité patriotique des Polonais. Vous, vous dites, à l'occasion de l'interdiction de la pièce Les Aïeux de Mickiewicz, vous dites, on peut être indépendant sans censure, c'est notre mot d'ordre, dites-vous, Karol Modzelewski. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Et quelle était cette dimension patriotique dans un groupe communiste plus large? En effet, c'était une, c'était tout le monde le comprenait à l'époque. Et c'était un jeu de parole parce que la pièce de Mickiewicz, qui était un chef-d'œuvre principal de la lutte polonaise pour l'indépendance contre les Russes, après le partage de la Pologne contre les Russes, les Prussiens, les Autrichiens, etc., surtout contre les Russes. Et en même temps, bon, c'était l'allusion à la doctrine Brejnev. Mm-hmm. La doctrine Brejnev de la souveraineté limitée. C'est-à-dire les pays alliés, la Pologne, dont la Pologne, ne sont pas autorisés à agir de manière indépendante sur leur régime intérieur et leur politique étrangère sur leur territoire. Sur leur territoire. C'était l'indépendance sans censure. C'était votre c'est-à-dire l'indépendance pas limitée. Ouais. Et donc c'était un mot d'ordre que tout le monde comprenait, dont Andrei Severin, qu'on retrouvera dans le théâtre français après 1981, puisque ça sera un des grands acteurs de la Comédie française ou d'autres grandes institutions françaises, et en particulier dans le dans c'est lui qui a organisé, la première manifestation de rue en janvier de 68 contre l'interdiction des Aïeux. Alors, vous mettez fin à la petite stabilisation qui s'était passée entre 1956 et 1968, à ce moment-là, ce moment un peu particulier où, tout compte fait, ça bouge, mais pas trop pour le régime polonais. Et c'est en janvier 69 que Jacek Kuron, votre compagnon de cette lettre ouverte de 1964, peut prononcer dans son procès « La plus grande campagne de propagande depuis les temps staliniens a été déclenchée contre un petit groupe de jeunes » armé de machines à écrire, effectivement. C'était les propos de Jacek Kuron. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est assez formidable. C'est effectivement tout ce travail de cet underground que vous appeliez de vos voeux, justement, Karol Modzelewski, dans les années 60, qui va se mettre en place et qui va progressivement, dans les années 60, fin des années 60 et dans les années 70, mais tenter de changer le régime politique dans votre pays, la Pologne. Vous savez, ce n'était pas pour nous, ce n'était pas la même chose, pas toujours la même chose. C'est-à-dire, après, au moment où nous écrivions notre manifeste, nous étions convaincus que la révolution dans un des pays communistes va se répandre aux autres pays communistes, y compris à l'Union soviétique. C'est-à-dire... une vision totalement marxiste et irréaliste. Et vous étiez très ambitieux en tous les cas. Oui, oui. C'est pourquoi, plus question de doctrine Brejnev, parce que l'Union soviétique sera même... je ne sais pas comment le dire en français, focolario en italien. Là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, l'endroit où... Le foyer. Le foyer, justement. Le foyer de la révolution. Et donc, après 68, l'invasion soviétique est notre, comme Ed Bourreau en Tchécoslovaquie. Et en 68, nous a manifesté d'une manière éclatante que ce n'est pas vrai. Oui, que la répression du printemps de Prague ne permettait pas d'évolution lente. Oui, oui. Et alors qu'il faut agir en réaliste, qu'il faut tenter, pas à l'impossible, pas demander à l'impossible, soyez réaliste, demandez à l'impossible. Il faut être réaliste si on ne veut pas que notre pays soit occupé comme la Tchécoslovaquie. Il faut être réaliste et demander le possible et à partir de ça, lutter. Et vous dites que l'histoire polonaise est marquée par deux canons, Karol Modzelewski. Un canon romantique, ouais, qui est « allons jusqu'au bout, jusqu'à la mort », ouais, dans une vision très 19e siècle, pourrait-on dire, du sacrifice des héros de la liberté pour cette même liberté. Et de l'autre côté, un canon, dites-vous, positiviste, le calcul lucide des pertes et des profits nationaux qu'on, ouais, pourrait avoir. Donc avancer plutôt à petits pas en se disant « ça n'est pas la peine de sacrifier toute notre jeunesse » pour faire avancer notre cause, puisque au bout du compte, nous aurons une répression qui nous tuera. Et cela, vous dites, j'ai connu les deux canons se mêlant l'un l'autre et non pas étant opposés l'un à l'autre dans ce pays qui est le mien, la Pologne, dites-vous, Karol Modzelewski. Vous savez, les plus dramatiques moments où ces deux canons se sont entrebalancés d'une manière dangereuse, et c'était la grande solidarité. Au moment de Solidarność. Parce que pour être réaliste à ce moment-là, il faudrait balancer entre deux réalismes, un qui était géopolitique. On ne peut pas dépasser les limites extrêmes de la tolérance soviétique. Mm-hmm. Et le deuxième réalisme, on ne peut pas dépasser les exigences, on ne peut pas négliger les exigences d'un grand mouvement révolutionnaire, d'un grand, comment le dire, la révolution, c'est un phénomène de la psychologie sociale. C'est pas le changement du régime, tout ce blablabla des politologues, c'est le réveil de la volonté des gens qui vivaient conformiste jusqu'à ce moment-là, plongé dans le conformisme avec le cou courbé, et convaincu que c'est normal de vivre comme un conformiste, et qu'un fois, il découvre dans la grande grève, au moment où le gouvernement descend à négocier avec eux, où il descend dans la rue, où la liberté guide le peuple aux barricades, c'est un endroit dangereux. Les barricades, soit pour le peuple guidé par la liberté, soit pour la liberté elle-même, mais quand même on ne peut pas l'éviter. Et une fois c'est commencé, il faut chercher le moment d'unir. Et ce qui est le plus formidable dans cette expérience, c'est que vous retournez contre celui ou ceux qui vous oppressent. Ouais. Le moteur même de l'histoire, parce que ce sont des ouvriers qui se lancent dans cette grève et ces grandes grèves de 1980. Et nous étions dans le mouvement ouvrier. Et voilà. Et donc pour nous, c'était enfin. Enfin, un mouvement ouvrier qui veut abattre un régime qui parle au nom du monde ouvrier. C'est ça qui est le plus extraordinaire. Mais on les démasquait assez facilement. Et c'est pas nous, c'est pas moi, Jacek Kuroń. C'était les gars de Stettin, qui étaient des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens de là-bas, qui rédigeaient plusieurs tracts de solidarité, renéotypé, comment le dire. Il n'y avait pas, ouais, encore de la polygraphie. Oui, des imprimantes par ordinateur. Donc vous preniez des tambours de machines à laver qui devenaient, oui, des Renéo, en l'occurrence. C'était André Severin qui a inventé ça. cette machine à laver pour. En tout cas, il écrivait, il rejetait. Et la phrase, le mot d'ordre de la propagande officielle, ce type de la solidarité, sont des antisocialistes. Mmh. Non, disaient les ouvriers de Stettin, c'est vous qui êtes antisocialiste, parce que vous êtes contre nous, et nous sommes des ouvriers, donc vous êtes antisocialiste. On n'a malheureusement pas beaucoup de minutes encore pour conclure cette conversation qui est absolument passionnante avec vous, Karol Modzelewski. Je voulais insister sur un point dans cette histoire des possibles que vous nous montrez par vos mémoires. C'est un point qui pourrait nous intéresser encore aujourd'hui. dans le contexte de la mondialisation, et vous y insistez à la fin de votre ouvrage et de ces mémoires qui s'intitulent « Nous avons fait galoper l'histoire », Karol Modzelewski, c'est cette idée que l'on peut avoir recueillie comme moi ou comme d'autres quand on discutait avec des résistants français de la Seconde Guerre mondiale. Comment être patriote aujourd'hui ? C'est un livre où vous affirmez qu'on peut être patriote polonais sans être nationaliste, qu'on peut aimer la nation polonaise sans tomber dans les excès du populisme nationaliste. Et c'est une voie très étroite que vous empruntez, qui est une voie difficile à comprendre parfois dans nos pays occidentaux, d'aimer son propre pays tout en ne voulant pas que ce pays participât à des oppressions diverses, soit sur ses citoyens, soit sur les pays voisins. Vous savez, notre gouvernement actuel essaye de nous enseigner qu'on ne peut pas être patriote sans être nationaliste, parce que c'est, au fond, c'est plus ou moins la même chose. Et je ne le crois pas, personnellement. En tant qu'historien, entre autres, en tant qu'historien, je pense que du nationalisme, je ne vais pas parler. C'est évident, on le voit partout. Partout où il y a des gouvernements populistes ou des mouvements populistes comme celui de Marine Le Pen en France. Et ce n'est pas une différence excessive entre Marine Le Pen et nos gouvernements actuels. Je dirais que quand même, les notions, la nation, n'ont pas existé toujours, ça je le sais. Il y avait des tribus auparavant, maintenant il y a des nations. Les nations n'ont pas existé toujours, ils ne vont pas exister toujours. Mais rien n'annonce pas en ce moment, aujourd'hui. La fin des nations. La fin des nations. La fin proche des nations. Donc, l'ignorance de la communauté nationale est une erreur qui peut coûter cher, et qui coûte cher d'ailleurs, lorsqu'on veut faire face aux atteintes populistes contre la démocratie, qui sont en marche en Europe et dans le monde. Oui, et cela, vous dites, il ne faut pas être optimiste. Il faut être européen. Non, euro-béa, c'est-à-dire dans la béatitude devant l'Europe, il ne faut pas être euro-optimiste tout le temps, il faut être européen, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes dans une même société. Il n'y a pas de contradiction, à la rigueur, entre l'Europe et la communauté nationale. Ce n'est pas vrai, à mon avis. Et, tandis que... Comment faire pour être à la fois patriote et polonais, par exemple, et justement penser qu'il y a plus grand que soi, c'est-à-dire plus grand que son propre pays, une communauté économique, mais aussi culturelle peut-être, qui s'appelle l'Europe? Mais vous savez, c'est le patriotisme réaliste. On ne peut pas faire l'économie à l'échelle nationale. Ouais, c'est ça, maintenant. On ne peut pas. On ne peut pas. On est dans la globalisation. Tout en sachant On peut être patriote à la dimension culturelle, à la dimension de la communauté spirituelle, ou communauté, si vous voulez, psychologique. Mmh. Mais la globalisation étant en marche, il faut savoir effectivement que... Ça ne veut dire qu'elle est arrivée déjà à effacer l'identité nationale. Elle n'a pas réalisé ça, et la conviction qu'elle le réalise déjà... est une erreur dangereuse, comme je l'ai dit, et qui expose au risque les communautés partielles, pas globales, comme une communauté européenne qui aurait pu être une réponse forte à la globalisation. Mais qui ne l'est pas. Elle n'a pas réussi parce que, vous savez, entre autres parce qu'elle n'a pas réussi de coordonner son système de décision. À mon avis. Est-ce que vous aviez su faire